Hein? Je reviens avec le pain et le vin. Bon appétit. 2. Chez elle, c'est une petite reine. 3. Tais-toi, s'il te plaît. 4. Mais qu'est-ce que tu as fait? 5. Non, il n'est pas coréen, il est européen. 6. Un peu de lait? 7. Tu veux manger? Tu as faim? 8. Johanna est argentine et Arturo est chilien.